ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin, qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé, j'ai tout revu. L'humble tonnelle, de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin, et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Les roses comme avant palpitent. Comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Véléda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du Réséda. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 5. Mélancolia, section 4. Vœux. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Ah, les Oaristis, les premières maîtresses, l'or des cheveux, l'azur des yeux, la fleur des chairs. Et puis, parmi l'odeur des corps jeunes et chers, la spontanéité craintive des caresses. Sont-elles assez loin toutes ces allégresses et toutes ces candeurs? Hélas, toutes de vert, le printemps des regrets ont fui les noirs hivers, de mes ennuis, de mes dégoûts, de mes détresses. Si que me voilà seul à présent, morne et seul, morne et désespéré, plus glacé qu'un aïeul, et tel qu'un orphelin, pauvre sans sœur aînée. Ô la femme à l'amour câlin et réchauffant, douce, pensive et brune, et jamais étonnée, et qui parfois vous baise au front comme un enfant. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème numéro 6, Mélancolia, partie 5, Lassitude, des poèmes saturniens de Paul Verlaine, lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Abatalas de amor campo de pluma, concora. De la douceur, de la douceur. Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. Même au fort du déduit, parfois, vois-tu, l'amante doit avoir l'abandon paisible de la sœur. Sois langoureuse, fais ta caresse endormante, bien égaux les soupirs et ton regard berceur. Va, l'étreinte jalouse et le spasme obsesseur ne valent pas un long baiser, même qui mente. Mais dans ton cher cœur d'or, me dis-tu, mon enfant, la fauve passion va sonnant l'olifant. Laisse-la trompeter à son aise la gueuse. Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main, et fais-moi des serments que tu romperas demain, et pleurons jusqu'au jour, ô petite fougueuse. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème numéro 7. Mélancolia, partie 6. Mon rêve familier. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur, transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 8, Mélancolia, section 7, À une femme, des poèmes saturniens de Paul Verlaine,

et palpite encore, tandis qu'un éclair, brutal et sinistre, fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs, va, vient, lui, éclame, et qu'au firmament, où l'ouragan erre, rugit le tonnerre, formidablement. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 13. Eau forte, partie 4. Effet de nuit. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. La nuit, la pluie. Un ciel blafard que des chiquettes, de flèches et de tours à jour, la silhouette d'une ville gothique, éteinte au lointain gris, la plaine, un gibet plein de pendus rabougris, secoué par le bec avide des corneilles, et dansant dans l'air noir des gigues non pareilles, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups, quelques buissons d'épines épars, et quelques houx, dressant l'horreur de leur feuillage à droite, à gauche, sur le fuligineux fouillis d'un fond d'ébauche, et puis, autour de trois livides prisonniers, qui vont pieds nus, un gros de haut pertuis ânier, en marche, et leurs fers droits, comme des fers de herse, luisent à contresens des lances de l'averse. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 14. Eau forte, partie 5. Grotesque. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Leurs jambes pour toute monture, pour tout bien, l'or de leur regard, par le chemin des aventures, ils vont haillonneux et hagards. Le sage indigné les harangue, le sot plein ses fous hasardeux. Les enfants leur tirent la langue, et les filles se moquent d'eux. C'est qu'odieux et ridicule, et maléfique en effet, ils ont l'air sur les crépuscules d'un mauvais rêve que l'on fait. C'est que, sur leurs aigres guitares, crispant la main des libertés, ils nasillent des chants bizarres, nostalgiques et révoltés. C'est enfin que dans leurs prunelles, rient et pleurent, fastidieux, l'amour des choses éternelles, des vieux morts et des anciens dieux. Donc allez, vagabonds sans trêve, errez funestes et maudits, le long des gouffres et des grèves, sous l'œil fermé des paradis. La nature à l'homme s'allie, pour châtier comme il faut, l'orgueilleuse mélancolie qui vous fait marcher le front haut, et vengeant sur vous le blasphème des vastes espoirs véhéments, meurtrit votre front anathème au choc rude des éléments. Les joints brûlent et les décembres gèlent votre chair jusqu'aux os, et la fièvre envahit vos membres qui se déchirent au roseau. Tout vous repousse et tout vous navre, et quand la mort viendra pour vous, maigre et froide votre cadavre sera dédaigné par les loups. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 15. Paysage triste, partie 1. Soleil couchant. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils, couchant sur les grèves, fantômes vermeils, défilent sans trêve, défilent, pareils à des grands soleils, couchant sur les grèves. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.

des poèmes saturniens de Paul Verlaine, lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Elle jouait avec sa chatte, et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Elle cachait la scélérate sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupant et clair comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée, mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où, sonore, tintait son rire aérien, brillaient quatre points de phosphore. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 23. Caprice, partie 2. Jésuitisme. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Le chagrin qui me tue est ironique, et joint le sarcasme au supplice, et ne torture point, franchement, mais picote avec un faux sourire, et transforme en spectacle amusant mon martyr. Et sur la bière où gît mon rêve mi-pourri, beugle un de profundis sur l'air du Traderi. C'est un tartuffe qui, tout en mettant des roses, pompons sur les autels des madones moroses, tout en faisant chanter à des enfants de cœur ces cantiques d'eau tiède où se baigne le cœur, tout en ami donnant ces guimpes amoureuses qui serpentent au cœur sacré des bienheureuses, tout en disant à voix basse son chapelet, tout en passant la main sur son petit collet, tout en parlant avec componction de l'âme, n'en médite pas moi ma ruine, l'infâme. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 24. Caprice, partie 3. La chanson des ingénus. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Nous sommes les ingénus, aux bandeaux plats, à l'œil bleu, qui vivons presque inconnus dans les romans qu'on lit peu. Nous allons entrelacés, et le jour n'est pas plus pur que le fond de nos pensées, et nos rêves sont d'azur. Et nous courons par les prés, et rions et babillons, des aubes jusqu'aux vesprées, et chassons aux papillons. Et des chapeaux de bergères défendent notre fraîcheur, et nos robes si légères sont d'une extrême blancheur. Les Richelieu, les Caussades et les chevaliers Faublas nous prodiguent les œillades, les saluts et les hélas. Mais en vain, et leurs mimiques se viennent casser le nez devant les plis ironiques de nos jupons détournés. Et notre candeur se raille des imaginations de ces raseurs de murailles, bien que parfois nous sentions battre nos cœurs sous nos mantes à des pensées clandestins, en nous sachant les amantes futures des libertins. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 25. Caprice. Partie 4. Une grande dame. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Belle à damner les saints, à troubler sous l'omuse, un vieux juge. Elle marche impérialement. Elle parle, et ses dents font un miroitement. Italien, avec un léger accent russe. Ses yeux froids où l'émail sertit le bleu de Prusse ont l'éclat insolent et dur du diamant. Pour la splendeur du sein, pour le rayonnement de la peau, nulle reine ou courtisane, fût-ce Cléopâtre la Lynx ou la chatte Ninon, n'égale sa beauté patricienne, non. Vois, ô bon Buridan, c'est une grande dame. Il faut, pas de milieu, l'adorer à genoux. Plat, n'ayant d'astre aux cieux que ses lourds cheveux roux, ou bien lui cravacher la face à cette femme. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 26. Caprice, partie 5. Monsieur Prudhomme. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Il est grave. Il est mère et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent insoucieux, et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux, et les prés verts, et les gazons silencieux? Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pansu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus, mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel coryza. Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 27. Initium des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Les violons mêlaient leur rire du chant des flûtes, et le bal tournoyait quand je la vis passer, avec ses cheveux blonds jouant sur les volutes, de son oreille où mon désir comme un baiser s'élançait et voulait lui parler sans oser. Cependant elle allait, et la mazurque lente la portait dans son rythme indolent comme un vers. Rime mélodieuse, image étincelante, et son âme d'enfant rayonnait à travers la sensuelle ampleur de ses yeux gris et verts. Et depuis ma pensée, immobile, contemple sa splendeur évoquée en adoration, et dans son souvenir, ainsi que dans un temple, mon amour entre, plein de superstition, et je crois que voici venir la passion. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public. Poème 28. Savitri. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Pour sauver son époux, Savitri fit le vœu de se tenir 3 jours entiers, 3 nuits entières, debout, sans remuer jambes, buste ou paupières, rigide, ainsi que dit Vyasa, comme un pieu. Ni Curia, tes rêves cruels, ni la longueur que Chandra vint répandre à minuit sur les cimes, ne firent défaillir dans leur effort sublime la pensée et la chair de la femme au grand cœur. Que nous cerne l'oubli, noir et morne assassin, ou que l'envie, au trait amer, nous ait pour cible, ainsi que Savitri, faisons-nous impassible. Mais, comme elle, dans l'âme, ayons un haut dessein. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 29. Sub urbe. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal dans la glaciale lumière, avec des bruits sourds qui font mal, les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux comme les fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères, elles veuves, par les détours du triste enclos, s'écoulent, lente théorie, au rythme heurté des sanglots,

le Tibre a sur ses bords des ruines qui font monter le voyageur vers un passé profond, et qui, de lierre noir et de lichens couvertes, apparaissent, agris, parmi les herbes vertes. Le gai Guadalquivir rit aux blonds orangés, et reflète les soirs les boléros légers. Le pactole a son or, le Bosphore a sa rive, où vient faire son kiff l'odalisque lascive. Le Rhin est un burgrave, et c'est un troubadour que le lignon, et c'est un ruffian que l'adour. Le Nil, au bruit plaintif de ses eaux endormies, berce de rêves doux le sommeil des momies. Le grand Meskhessébé, fier de ses joncs sacrés, charrie augustement ses îlots mordorés. Et soudain, beau d'éclairs, de fracas et de faste, splendidement s'écroule en Niagara vaste. Le Rotas, où l'essaim des cygnes familiers mêle sa grâce blanche au vert mât des lauriers. Sous son ciel clair que raie un vol de gypaète, rythmique et caressant, chante ainsi qu'un poète. Enfin, Ganga, parmi les hauts palmiers tremblants et les rouges padmas, marche à pas fiers et lents, en appareil royal, tandis qu'au loin la foule le long des temples va, hurlant, vivante houle, au claquement massif des cymbales de bois, et qu'accroupie, filant ses notes de hautbois, du saut de l'antilope agile, attendant l'heure, le tigre jaune au dos rayé s'étire et pleure. Toi, Seine, tu n'as rien, deux quais, et voilà tout, deux quais crasseux semés de l'un à l'autre bout, d'affreux bouquins moisis et d'une foule insigne, qui fait dans l'eau des ronds et qui pêche à la ligne. Oui, mais quand vient le soir, raréfiant enfin, les passants alourdis de sommeil ou de faim, et que le couchant met au ciel des taches rouges, qu'il fait bon aux rêveurs descendre de leur bouge, et s'accoudant au pont de la cité, devant Notre-Dame, songer, cœur et cheveux au vent, les nuages chassés par la brise nocturne, courent cuivreux et roux dans l'azur taciturne, sur la tête d'un roi du portail le soleil, au moment de mourir, pose un baiser vermeil. L'hirondelle s'enfuit à l'approche de l'ombre, et l'on voit voleter la chauve-souris sombre. Tout bruit s'apaise autour, à peine un vague son dit que la ville est là qui chante sa chanson, qui lèche ses tyrans et qui mord ses victimes. Et c'est l'aube des vols, des amours et des crimes. Puis tout à coup, ainsi qu'un ténor effaré, lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente et se prolonge et crie, éclate en quelque coin l'orgue de barbarie. Il brame un de ces airs, romance ou polka, qu'enfant nous tapotions sur nos harmonicas, et qui font, lent ou vif, réjouissant ou triste, vibrer l'âme au proscrit, aux femmes, aux artistes. C'est écorché, c'est faux, c'est horrible, c'est dur, et donnerait la fièvre à Rossini pour sûr. Ses rires sont traînés, ses plaintes sont hachées, sur une clé de sol impossible juchée. Les notes ont un rhume, et les dos sont des las, mais qu'importe, l'on pleure en entendant cela. Mais l'esprit, transporté dans le pays des rêves, sent à ses vieux accords couler en lui des sèves. La pitié monte au cœur et les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux, et dans une harmonie étrange et fantastique, qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme les inondant de lumière et de chant, mêle les sons de l'orgue aux rayons du couchant. Et puis, l'orgue s'éloigne, et puis c'est le silence, et la nuit terne arrive, et Vénus se balance sur une molle nue au fond des cieux obscurs, on allume les becs de gaz le long des murs. Et l'astre et les flambeaux font des zigzags fantasques dans le fleuve plus noir que le velours des masques. Et le contemplateur, sur le haut garde-fou, par l'air et par les ans rouillé comme un vieux sou, se penche, en proie au vent néfaste de l'abîme. Pensée, espoir serein, ambition sublime, tout jusqu'au souvenir, tout s'envole, tout fuit. Et l'on est seul avec Paris, l'onde et la nuit. Sinistre trinité, de l'ombre dure porte, manée tes selles Pharès des illusions mortes. Vous êtes toutes trois, ô goules de malheur, si terribles que l'homme, ivre de la douleur, que lui font en perçant sa chair vos doigts de spectre, l'homme, espèce d'Oreste à qui manque une électre, sous la fatalité de votre regard creux, ne peut rien, et va droit au précipice affreux. Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses de tuer et d'offrir au grand ver des épouses, qu'on ne sait que choisir entre vos trois horreurs. Et si l'on craindrait moins périr par les terreurs des ténèbres que sous l'eau sourde, l'eau profonde, ou dans tes bras fardés, Paris, reine du monde. Et tu coules toujours, Seine, et tout en rampant, tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpent boueux, emportant vers tes havres tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 36, Marco, des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Quand Marco passait, tous les jeunes hommes se penchaient pour voir ses yeux, des Sodomes où les feux d'amour brûlaient sans pitié. Ta pauvre cahute, ô froide amitié. Tout autour dansaient des parfums mystiques, où l'âme, en pleurant, s'anéantissait. Sur ses cheveux roux un charme glissait, sa robe rendait d'étranges musiques, quand Marco passait. Quand Marco chantait, ses mains sur l'ivoire évoquaient souvent la profondeur noire des airs primitifs que nul n'a redits, et sa voix montait dans les paradis de la symphonie immense des rêves. Et l'enthousiasme alors transportait vers des cieux connus quiconque écoutait ce timbre d'argent qui vibrait sans trêve quand Marco chantait. Quand Marco pleurait, ses terribles larmes défiaient l'éclat des plus belles armes. Ses lèvres de sang fonçaient leur carmin et son désespoir n'avait rien d'humain, pareil au foyer que l'huile exaspère. Son courroux croissait rouge, et l'on aurait dit d'une lionne à l'âpre forêt, communiquant sa terrible colère, quand Marco pleurait. Quand Marco dansait, sa jupe moirée allait et venait comme une marée, et, tel qu'un bambou flexible, son flanc se tordait, faisant saillir son sein blanc. Un éclair partait, sa jambe de marbre, emphatiquement cynique, haussait ses mates splendeurs, et cela faisait le bruit du vent de la nuit dans un arbre, quand Marco dansait. Quand Marco dormait, oh, quel parfum d'ambre et de chair mêlée opprimait la chambre. Sous les draps, la ligne exquise du dos ondulait, et dans l'ombre des rideaux, la laine montait, rythmique et légère. Un sommeil heureux et calme fermait ses yeux, et ce doux mystère charmait les vagues objets parmi l'étagère, quand Marco dormait. Mais quand elle aimait,